des moustiques génétiquement modifiés. Donc, c'est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui qui va être en vidéo. Donc, je vais présenter des images en relation avec des articles. Donc, je vous propose de porter attention à l'écran. En fait, récemment, j'ai fait un enregistrement en compagnie de Berthold, donc en date du 6 juin de l'année 2022. Et puis, lors de l'enregistrement, à un moment donné, Berthold a dit: «Cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de moustiques.» Et par la suite, ça a piqué ma curiosité et je pense que je suis pas nécessairement le seul personne que ça a piqué la curiosité. Et par rapport aux moustiques, il y a Mazou, donc sur YouTube, qui m'a écrit un message. Et c'est la première fois que j'ai été mis au courant de ça. Et je vais vous partager, là, c'est sûr, à l'écran, l'article. C'est qu'il y aurait des moustiques qui sont relâchés intentionnellement. Donc, c'est une pratique qui se fait. Et qui sont, entre autres, génétiquement modifiés. On est rendu à ce stade-là. Qui l'aurait cru? Donc, j'ai été un petit peu surpris et c'est entre autres la raison pour laquelle je vous partage l'information. Mais tout d'abord, en relation avec le propos tenu par Berthold, qui trouvait qu'il y avait beaucoup de moustiques, je peux vous mentionner que dans le Journal de Montréal, donc en date du 2 juin de l'année 2022, un article a été publié. Vous le voyez à l'écran, c'est marqué «Explosion de moustiques au Québec. L'impression que les moustiques sont particulièrement présents et répandus cette année. C'est qu'ils sont tous apparus en même temps, en raison de la fonte des neiges tardives et de la récente vague de chaleur qui a frappé la province. Pourtant, la faible quantité de neige reçue l'hiver dernier pourrait faire en sorte que moins d'œufs aient survécu.» Donc, il y a des facteurs qui vont à l'encontre de la survie des moustiques, puis il y en a d'autres qui sont favorables. Fait que l'article est quand même mitigé par rapport à l'apparition récente là, de plusieurs moustiques, ce qui est assez curieux parce que des conditions propices cette année, donc les œufs. Habituellement, c'est marqué: «Les œufs passent l'hiver sous la neige, qui les protège du froid?» Cette année, comme l'hiver a été peu enneigé, la quantité totale de moustiques devrait être restreinte. C'est ça qui est particulier, c'est que normalement, il ne devrait pas en avoir tant que ça. Mais bon, il y a des facteurs favorables, là. Les œufs commencent habituellement à éclore dès la fin de l'hiver tout au long du printemps et se développent dans l'eau froide de la fonte des neiges, c'est-à-dire le printemps tardif, fait en sorte que la majorité des œufs ont pris plus de temps à éclore. Et brusques vagues de chaleur, on a connu ça au début, en fait, il y a quelques jours. Une fois la vague de chaleur des derniers jours arrivée, les œufs se sont mis à éclore en même temps. Donc, ce qui peut donner l'impression qu'il y en a beaucoup. Ici au Québec, des moustiques. Mais ce qui était intéressant à aborder, c'est qu'on est rendu au stade sur le plan des manipulations génétiques, parce qu'on a souvent entendu parler, bon, de légumes qui vont être manipulés là, sur le plan génétique. Mais c'est la première fois que j'entendais parler de manipulations génétiques par rapport à des moustiques. Donc, vous avez ici un article dans 20minutes.fr. Donc, États-Unis, 2 milliards de moustiques OGM, donc OGM veut dire organisme génétiquement modifié, lâché pour réduire le nombre d'insectes vecteurs de maladies. Méthode: cette solution n'exterminerait pas toute la population de moustiques et n'aurait aucun impact sur l'environnement. Donc ça, c'est un article en date du 22 mars, en fait du 14 mars 2022, pardon. Donc, ce qui est marqué, c'est que Chikungunya, paludisme, dengue. Le moustique est le vecteur de nombreuses maladies, parfois mortelles. Les solutions pour réduire sa nuisance passent la plupart du temps par l'épandage d'insecticides. Mais des solutions alternatives existent, comme le lâcher de moustiques OGM. Plusieurs expérimentations concluantes ont été réalisées. C'est ainsi que la société américaine Oxitec a eu l'autorisation de libérer dans la nature 2 milliards de moustiques OGM, rapporte Boy Genius Report, relayé par Presse Citron. Okay. Il s'agit des moustiques mâles de l'espèce Aedes aegypti, qui est porteuse de la dengue, de l'infection à virus Zika ou encore du chikungunya. Ils répondent au nom de code OX5034. Les moustiques tigres transgéniques vont être disséminés dans la nature avec pour rôle de se reproduire avec des femelles. S'ils réussissent leur mission, les larves résultant de l'accouplement ne seront pas viables. Aucun moustique tigre ne parviendra à l'âge adulte faute d'avoir les protéines nécessaires. Même si tous les jeunes moustiques sont touchés, ce sont les femelles qui sont visées car ce sont elles qui piquent. Ah, ça je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était les mâles et les femelles qui piquaient les êtres humains. Mais là, on apprend que c'est juste les femelles. C'est marqué « Pas de risque pour l'environnement ». En mai 2021, Oxitec avait fait un lâcher de 12 000 œufs de moustiques transgéniques en Floride. Cela avait pour conséquence de faire baisser rapidement la population sans effet remarquable sur l'environnement. L'avantage est que l'homme n'a plus recours à des insecticides qui ont des effets sur d'autres espèces comme les abeilles, pointent nos confrères. D'autre part, la population de moustiques est réduite mais pas éliminée, ce qui laisse de la nourriture pour les oiseaux et autres chauves-souris. Selon Oxitec, les gènes modifiés ne peuvent se répandre dans l'environnement car les larves n'atteignent jamais la maturité sexuelle. L'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, a été sensible à tous ces arguments. C'est pourquoi elle a autorisé cette dissémination à grande échelle. Oxitec se félicite de cette démarche. La société américaine compte maintenant s'attaquer à une autre maladie, le paludisme. Pour cela, elle devrait modifier génétiquement les moustiques qui en sont porteurs. Donc, on est rendu au stade que des moustiques peuvent être modifiés génétiquement dans l'optique de réduire la transmission à l'être humain de certaines maladies graves, là, comme le paludisme, la dengue, ainsi de suite. Donc, empêcher qu'il y ait certains problèmes de santé. Et c'est sûr que mon questionnement demeure le suivant. Donc, c'est sûr que ça peut être utile si ça évite d'utiliser des insecticides, de diffuser des moustiques ou voire même des insectes modifiés génétiquement. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que toute forme d'innovation dans la bio-ingénierie peut être à double tranchant. C'est-à-dire qu'il est un peu comme l'usage d'un couteau. On peut utiliser un couteau pour mettre la margarine sur une tranche de pain pour s'alimenter ou faire une opération, mais on peut utiliser aussi un couteau pour tuer. Donc, tout peut servir de différentes façons. Donc, c'est sûr que par rapport à des moustiques qui pourraient réduire justement là, la transmission de certains virus en donnant là, des rejetons qui ne sont pas viables pour les transmettre, donc ça réduirait ça. C'est sûr que ça apporte une certaine forme d'utilité. Par contre, imaginez si des bioterroristes utiliseraient des modifications génétiques sciemment pour, dans le fond, modifier génétiquement, que ce soit des moustiques ou d'autres insectes, mais non pas pour diminuer la transmission de certaines maladies ou problèmes de santé graves par rapport à l'être humain, mais pour les transmettre. Donc, de faire le contraire. Parce que si on peut aller dans un sens, on peut aller aussi dans une direction autre. Donc, et là, c'est sûr que ça pourrait donner place à des situations qui pourraient être très graves, là. Donc, imaginez si des moustiques qui pourraient transmettre la malaria seraient relâchés dans les Laurentides. ça serait problématique là, comme situation. Donc, c'est sûr que j'espère pas qu'il y ait du bioterroriste là, à ce niveau-là. Mais plusieurs choses peuvent arriver dans le monde, d'où l'importance d'être vigilant. Mais bon. C'est intéressant de voir où ce qu'on en est dans le développement là, technologique aujourd'hui là, du génie génétique avec la question des moustiques. Fait qu'encore une fois, je remercie Bazou de son partage. Et je voulais mentionner aussi aux gens par rapport à YouTube, des fois, il y a des gens qui écrivent des messages ou cherchent à me partager des liens web qui vont être bloqués. C'est pas moi qui bloque ça, là, c'est vraiment là, YouTube. Je voulais mentionner ça parce que, dans le fond, l'article auquel je fais allusion, là, j'ai voulu le partager, puis il a été bloqué là, en bas de la vidéo. Donc, à travers un message là, que j'avais envoyé, ça a été bloqué. Sinon, je voulais vous mentionner dans un autre ordre d'idée très différent, parce que j'ai fait plusieurs vidéos où je parlais de la dérive possible par rapport au portefeuille numérique, qui est un élément de clé de voûte pour la société 2.0, où chaque citoyen aurait une identité numérique et qui pourrait mener à beaucoup de dérapages, c'est-à-dire à l'instauration d'une société similaire à celle en Chine avec le crédit social où les citoyens sont régulièrement épiés. Eh bien, je voulais vous mentionner que sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, eh bien, il y a une pétition que les gens peuvent signer. Donc, droit de refus d'un portefeuille numérique québécois. Je vais mettre le lien web se rapportant à la pétition là, en bas de la vidéo présente. Donc, j'ai signé la pétition et c'est sûr que, dans le fond, avant que ça soit mis en place, là, le portefeuille numérique ici, qui peut mener à certains abus, ben, c'est sûr que là, il y a une pétition là, qui est faite. Là. C'est sûr que, bon, là, je m'adresse ici là, essentiellement aux gens qui, tout comme moi, là, vivent au Québec. C'est sûr que je voulais mentionner ça. Sinon, en terminant par rapport aux dérives liées aux technologies, eh bien, on a Tim Hortons qui est une chaîne de restauration rapide là, ici au Canada qui est très populaire. Donc, pour les gens qui m'écoutent en Europe, bon, probablement que vous n'avez pas des Tim Hortons, mais c'est une chaîne qui présente des succursales là, dans les différentes grandes villes du Canada. Donc, on peut comparer ça un petit peu là, comme la chaîne de restauration rapide de McDonald's, où on peut voir des succursales là, dans plein de villes en Europe. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on met à disposition des clients une application Tim Hortons. Et ce qui est arrivé par rapport à ça, là, c'est documenté là, dans le Journal de Montréal. Eh bien, il est inscrit dans un article par rapport à ça. Donc, l'application Tim Hortons, responsable d'une atteinte massive à la vie privée, article en date du 1er juin 2022. Donc, ce qui est dit, c'est que l'application mobile de Tim Hortons a enfreint les lois sur la protection des renseignements personnels en recueillant de grandes quantités de données de géolocalisation de nature sensible, selon le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Daniel Therrien. Donc, ce qui est dit par rapport à ça, c'est que l'application se servait des données de géolocalisation pour déduire où habitaient et travaillaient les utilisateurs, en plus d'établir s'ils étaient en déplacement. Elle générait une mention chaque fois que les utilisateurs entraient dans des entreprises concurrentes à Tim Hortons ou en sortaient. Donc ici, on peut penser à d'autres restaurants rapides. Donc la même alerte était émise à chaque fois qu'un utilisateur entrait dans un lieu où se tenaient des événements sportifs, leur résidence et leur lieu de travail. Donc, c'est sûr que là, on recueille des données sur les gens qu'on surveille et c'est sûr que le portefeuille numérique pourrait servir à ça. La particularité de l'application, c'est qu'il est dit ceci. La personne qui avait téléchargé l'application avant le début de l'enquête, soit en 2020, ont vu leur déplacement suivi et enregistré à quelques minutes d'intervalle, même lorsque leur application n'était pas ouverte, ce qui contrevient aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Ce que ça veut dire, c'est que les gens étaient espionnés à leur insu. Donc, même si la personne, de manière, elle ne cherchait pas volontairement à mettre l'application en fonction, eh bien, elle était espionnée malgré elle. Donc, là, ça nous donne une idée de la surveillance des gens. Et quand que j'ai vu ça, ça m'a fait penser à l'application de traçage numérique par rapport au virus qui est apparu là, en 2020 là, à l'échelle internationale. Donc, le gouvernement du Québec et Canada faisait la promotion d'une application de traçage de données. Et ce que j'avais vu, c'est que sur mon téléphone intelligent, il y avait eu une application qui avait été installée, mais qui n'était pas en opération, qui n'est pas été activée là, par rapport au traçage de données en lien avec le virus. Or, ce qu'on explique dans l'article, c'est que même si l'application de Tim Hortons n'était pas ouverte, la personne était surveillée pareil par elle. Donc, si même elle ne l'avait pas activée consciemment. Or, si une application de traçage par rapport au cas contact sur mon téléphone d'installer malgré moi, même si je ne la mets pas activée, est-ce que ça peut être possible que, tout comme pour l'application de Tim Hortons, je sois suivi et tracé pareil? C'est la question que je me pose. Et comme la technologie associée au traçage numérique, voire identité numérique et portefeuille numérique, c'est des technologies qui sont récentes, eh bien, c'est sûr que moi, j'ai comme plus pour optique d'être prudent là, par rapport à tout ça, parce qu'il risque d'avoir des situations d'abus, comme différentes technologies qui s'implantent en société. D'où, à mon avis, la pertinence de faire preuve d'esprit critique là, par rapport à tout ça. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle là, j'ai signé la pétition, parce que je trouve que, présentement, les gens en société en général, que ce soit des autorités gouvernementales ou même de l'entreprise privée, pourraient abuser de ça. Donc, de la surveillance des citoyens, là. On a vu qu'est-ce qui se passe en Chine avec le crédit social et on voit qu'est-ce qui se passe récemment là, avec Tim Hortons là, qui a défrayé la manchette là, dans les médias québécois. Donc, sur ces considérations, je vous laisse et je vous remercie comme à l'habitude de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.